Méditation pour ouvrir notre chakra du plexus solaire. Asseyez-vous dans une position confortable, le dos droit et les épaules détendues. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Laissez aller les tensions de la journée. Portez votre attention sur la région de votre estomac, où se trouve votre chakra du plexus solaire. Visualisez un soleil brillant de couleur jaune doré à cet endroit. Imaginez que ce soleil tourne lentement, rayonnant de chaleur et de lumière. À chaque inspiration, imaginez que le soleil brille plus intensément, éclairant votre plexus solaire. Pendant que vous inspirez, imaginez que vous inhalez de l'énergie lumineuse et chaleureuse dans votre plexus solaire. Sentez cette énergie remplir tout votre corps. Pendant que vous expirez, imaginez que toutes les peurs, les doutes et les blocages énergétiques liés à votre plexus solaire sont relâchés et dissipés. Restez dans cette visualisation pendant quelques minutes, en continuant à respirer profondément et en vous connectant avec l'énergie du chakra du plexus solaire. En même temps, répétez mentalement des affirmations positives associées au chakra du plexus solaire, telles que « Je suis confiant », « J'exprime ma puissance personnelle », « Je suis capable d'atteindre mes objectifs ». Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un mouvement physique à cette méditation en plaçant vos mains sur votre estomac, en les laissant légèrement en contact avec la région du plexus solaire. Lorsque vous êtes prêt à terminer la méditation, prenez quelques respirations profondes, étirez-vous doucement et ouvrez les yeux. Répétez cette méditation régulièrement pour renforcer l'ouverture et l'équilibre de votre chakra du plexus solaire. Mantra associé au chakra du plexus solaire. Le mantra associé au chakra du plexus solaire est RAM. En méditation, vous pouvez répéter ce mantra à voix haute ou dans votre esprit tout en visualisant une lumière jaune dorée qui se diffuse dans la région du plexus solaire, vous aidant à équilibrer et à ouvrir ce chakra. Voici un exemple de méditation avec le mantra RAM. Asseyez-vous confortablement dans une position méditative, le dos droit et les épaules détendues. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre et vous recentrer. Portez votre attention sur la région de votre plexus solaire, située juste au-dessus de votre nombril. Visualisez un soleil brillant de couleur jaune doré à cet endroit. Commencez à répéter mentalement le mantra RAM à chaque expiration. Respirez naturellement entre chaque répétition du mantra. En récitant le mantra RAM, imaginez que les vibrations sonores du mantra sont envoyées directement dans votre chakra du plexus solaire. Visualisez que ces vibrations énergétiques stimulent et équilibrent ce chakra. Continuez à réciter le mantra RAM et à visualiser la lumière jaune dorée du chakra du plexus solaire devenir de plus en plus brillante et éclatante. À chaque répétition du mantra, ressentez l'énergie du chakra du plexus solaire se renforcer et s'ouvrir, libérant toute tension et blocage. Restez dans cet état de méditation pendant au moins 10 à 15 minutes, en restant concentré sur le mantra et la visualisation du chakra du plexus solaire. Lorsque vous êtes prêt à terminer la méditation, prenez quelques respirations profondes, étirez-vous doucement et ouvrez les yeux. Répétez cette méditation régulièrement pour favoriser l'ouverture et l'équilibre de votre chakra du plexus solaire. Le mantra RAM est un son puissant qui peut aider à activer et à harmoniser l'énergie de ce chakra. Page 12, nous allons voir une méthode de méditation pour ouvrir notre chakra du cœur. Page 12.